Ouais. J'aurais un là pour moi, ça. Il n'y a même pas besoin de se déplacer, tu vas manger le dimanche chez mamie et puis elle te le ramène, hein, voilà. Bah, l'histoire officielle du coron, c'est que on a un endroit. Déplace que c'est plutôt nos copains qui nous disent. Moi j'ai chaud, tu veux pas la mettre? Pourquoi tu n'aimes pas partager? Non, bah non, parce que si j'ai froid dans ta main, je pourrais jouer dans ta main. Je dirais aussi quand je fais ça au lit sur le canapé. Ah oui, bah là, Et tu essaies d'être dans le ton quand même. Non, je vais pas le faire finalement. Je suis capable de faire n'importe quoi. Alors faut écouter. Non, mais je suis pas capable. Il avait vu une belle croix, il dit l'année prochaine. C'est au poids. C'est marqué, hein, que c'est au poids. Il a l'année pour mettre 85 euros. J'ai vu la foule que t'as là, je vais me racheter. Non, avec celle que t'as pas soufflé dedans. Voilà. On a vu au poids, on a vu au a vu quoi? Ah ouais, les boucliers, les épées. Ah, Ah non, je l'ai pas. Ah bah non, je l'ai même pas. Les aigus. Ah, c'est marrant parce que ça s'appelle Bogueso, c'est le contraire. Les aigus, c'est Bogueso. Non. On va un peu réveiller ça. Attention aux flûtes.